Les personnes qui ont fait ta peur à la réussite d'un lancement expérimental de la fusée balistique intercontinentale de type Façon 14 ont visité le vide Mangyongdae, pays natal du président Kim Il-sung, et le haut lieu révolutionnaire de Pyeongchang, ancien arsenal, au cours de leur séjour à Pyongyang.